lave le pita du bébé. Ouais. Mm-hmm. Ah, c'est nouveau, tu laves le pita. Oui. On va dire bébé, mais t'as l'air. Bóng đá chứ. Mày thì ra mày mua gì? Des croquis. Non.